Chapitre 2. Georges était médusé, ce singe parlait sa langue, et son émoi fut tel que tout d'abord il ne trouva rien à répondre. Il avait la voix faible, un peu rauque, mais l'adoucissait autant qu'il lui était possible. Peu à peu, Georges se rassurait. Il regardait maintenant cette face ridée, ses yeux boursouflés, cette bouche pâle, et une sorte de commisération s'emparait de lui. « Voyons, reprit l'autre, te sens-tu de force à te lever? N'aie pas peur. Viens dans mes bras, accroche-toi à mon cou. Je suis bien vieux, mais j'ai depuis si longtemps économisé mes forces qu'il m'en reste encore assez pour te porter. » Sans savoir pourquoi, le petit lui obéissait. Il lui avait passé ses deux bras autour du cou et l'autre, l'enlaçant de ses bras, l'avait enlevé de son hamac. Il le portait dehors, franchit une enceinte de pierre qui entourait la hutte, gravit un sentier au milieu d'arbustes et atteignit un plateau verdoyant, couronné de palmiers énormes, et là, sur les herbes denses, il déposa l'enfant. Georges chancela. Il le soutint, puis, de la main, faisant un geste circulaire, il lui dit « Regarde, n'est-il pas vrai que cela est beau ?» Véritablement, le spectacle était merveilleux. Tout autour d'eux s'étendait un cercle immense, que dominaient, dans un recul, des roches taillées à pic, sur lesquelles le soleil, très doux, comme tamisé, mettait des reflets bleus et violets. Au-dessous, une vallée profonde, faite de forêts, de bouquets d'arbres, manguiers, pamplemousses, bambous, sukumas, dont les masses se fondaient sur des plans différents, en terrasses nombreuses et pittoresquement irrégulières. En réalité, un paysage de rêve. De toute cette nature généreuse, prodigue de vie, de verdure, de lumière, émanait un parfum de placidité. L'air chargé de senteurs balsamiques, comme saturé de toutes les émanations de la terre, emplissait les narines, les poumons d'une sensation de vie profonde. Le ciel avait des teintes rares, délicates, donnant la sensation d'espaces infinis, et d'immenses rames d'oiseaux passaient dont les silhouettes élégantes se dessinaient sur le fond clair. À mi-hauteur de la vallée, sur un cône presque nu, auquel seulement des mousses faisaient une couronne, un petit lac posait sa tache d'acier. Georges restait immobile, à demi couché dans l'herbe, s'appuyant sur son coude. Il était comme hypnotisé par ce spectacle exquis et prenant. Il oubliait tout, et ses peurs, et ses colères, et ses surprises, pour, après les secousses reçues et qu'il avait si fort ébranlées, jouir jusqu'au plus profond de lui-même. Cette douceur était telle, si envahissante et si exquise, qu'involontairement il tendit la main au vieux singe qui parlait si bien hollandais et qui lui dit « J'ai été méchant, il faut me pardonner. » L'autre lui posa la main sur le front, une main sèche, ridée, cordée, et dont pourtant l'attouchement était très fin, et souriant au soleil, aux arbres, à la nature, l'enfant eut un rire de joie. Puis, en un élan de curiosité, « Oh, je vous en prie, dites-moi où je suis, qui vous êtes. Vous savez, je n'ai pas peur des singes. »« Je suis un homme, » interrompit le vieillard. « Je me nommais jadis, oh, qu'il y a longtemps de cela, Ludwig van Kock, et j'habitais Rotterdam. »« Rotterdam? Mais c'est là que je suis né moi-même. »« En vérité, et tu t'appelles ?»« Georges Villiers. » »« J'ai connu autrefois une famille de ce nom. » « Voyons, dis-moi ton histoire, petit. Jusqu'au jour où Toho, je sais cela, t'a arraché une mort épouvantable et t'a apporté ici, pauvre orphelin que tu es. » Des larmes montèrent aux yeux de Georges. « Orphelin? Oh oui, si vous saviez. Les Atchés ont tué mon père, ma mère, ma petite sœur. C'était effroyable. Nous étions dans un tourbillon de fer et de feu. » « Chez les hommes, » fit Van Kock en secouant la tête. « Raconte-moi tout. Je te dirai ensuite mon histoire à moi, mais surtout ne te fatigue pas. » Georges, alors, en un récit assez incohérent d'ailleurs, la précision n'étant pas le fait des enfants, raconta tant bien que mal les terribles aventures par lesquelles il était passé. Pour lui, aucun détail n'était fixé. Dans son cerveau, depuis l'heure où les Atchés s'étaient emparés de sa mère, c'était un cauchemar intraduisible. Tout se confondait dans sa pensée, L'arrivée subite de son père lui apparaissait comme un rêve. Ses souvenirs, les spectacles qu'il avait eus sous les yeux, tout se mêlait, se confondait. Des cris, des explosions, du feu, du sang. Il avait vu tomber autour de lui des hommes qui râlaient, des femmes qui hurlaient. Son père, sa mère, Margaret, avaient disparu dans une fournaise. Il ignorait même quelle était l'être qu'il avait saisi, emporté. La scène où Toho était apparu, précipitant dans le gouffre son ravisseur, ne lui avait laissé qu'une impression de délire, puis plus rien, jusqu'à son premier réveil dans la forêt, quand il avait senti sur lui les griffes du Mawas, un singe contre lequel un autre l'avait défendu. Un autre singe, n'est-ce pas? C'est de Toho que tu parles, mon enfant? Plus qu'un singe, moins qu'un homme, et mieux qu'un homme. Je ne comprends pas. Au moment où Van Gogh allait répliquer, un bruit de pas rapide résonna sur le plateau et Toho apparut. Malgré lui, George eut encore comme un mouvement de recul. C'est qu'en effet, Toho, par sa carrure vigoureuse, par toute la force qui émanait de lui, était effrayant. En ce moment, sa physionomie était terrible. Certainement, une colère intense l'agitait, car un tremblement passait dans tous ses membres et ses lèvres retroussées laissaient voir, comme en un rictus de fauve, ses dents menaçantes. Van Gogh était allé vivement au-devant de lui. « Hé, toi, Toho !» lui dit-il. « Qu'as-tu encore? Tu as l'air furieux. Tu sais que je te défends de te mettre en colère. » Il lui parlait en hollandais, mais en prononçant d'une certaine façon, appuyant fortement sur les consonnes, mettant en valeur ce que nous pourrions appeler l'ossature du mot. Évidemment, il y avait là comme un langage abréviatif, primitif, en quelque sorte, qu'il est bien difficile de rendre par l'écriture. Toho avait écouté, certainement compris. Il eut un geste violent, et désignant un des points de la vallée, où on entendait des cris gutturaux qui ressemblaient à des rires, il cria « Dreka !»« Encore ?» fit Van Gogh avec colère. « Ah, les misérables, les fous !» Voici l'explication de ce mot « Dreka ». Le mot hollandais « drunkard » signifie « ivre »,« ivrogne ». À grand-peine, Van Gogh était parvenu à apprendre à Toho et à quelques-uns de ses congénères non pas les mots tout entiers, qu'ils ne parvenaient pas à prononcer, mais les articulations mères en quelque sorte. Dreka, par le dr et le k, était le squelette du mot. Toho disait les consonnes en les faisant suivre d'une voyelle sourde, martelée. Et c'est ainsi que peu à peu, entre lui et Van Gogh, un langage intelligible s'était établi. En s'apercevant tout à coup dans la forêt que le petit Georges devait avoir faim, il avait prononcé le mot « et », qui est la racine du mot « etten », manger. De même, la compagne de Toho, qui s'appelait Wa, avait bien compris les mots « drinken », boire, et « goutte », bon, prononcés par le petit. Mais en essayant de les répéter, elle disait « dreka »,« ogoe ». Ainsi, Van Gogh avait créé de toutes pièces une sorte d'idiome monosyllabique qu'il avait appris à Toho et aux autres habitants de ce pays mystérieux. Ceci compris, nous traduirons en langage clair les paroles et la mimique de Toho qui appuyait chacun des mots prononcés par des gestes excessifs. « Oui, oui, là-bas, disait-il, je les ai surpris. Ils se sont enivrés avec le vin de palme. Et puis de l'or, de l'or !» L'or se nomme « gold » en hollandais. Il disait « go ». Et chose curieuse, ce mot ne se confondait pas avec « goût », qui traduisait « goutte », « bon ». C'est ainsi que, dans les langues primitives, les différences très légères de prononciation entraînent de profondes modifications de sens. « De l'or ?» cria Van Gogh. « Ah, c'est là, l'ennemi. Par là, votre race finira. Par là, la mort vous détruira jusqu'au dernier. Bien, bien, Toho !» Il avait pris Toho par le bras. « Mais le petit !» fit celui-ci en désignant l'enfant. « Nous ne pouvons le laisser seul ici. » Il appela « Ouah ! Ouah !» Celle qui avait paru à Georges n'être qu'une très laide guenon accourue. Toho lui parla avec volubilité, non plus en pseudo-hollandais, mais en une langue spéciale, semi-animale pour ainsi dire, faite de grognements, de petits cris. Il lui disait « Ouah, prends l'enfant, surtout veille bien sur lui, comme tu l'aurais fait sur notre pauvre petit à nous, celui qui a été tué par les hommes. » Ouah s'approcha de Georges, qui instinctivement s'accrocha à Van Gogh. « Va, mon petit !» dit celui-ci. « Celle-là est une amie, une protectrice. Elle t'aime et t'aimera chaque jour davantage. » Il le poussait dans les bras de Wa, dont la face simiesque s'éclairait d'une étonnante lueur de bonté et d'amour. Dans ses gros bons yeux, il y avait des larmes, celles qu'elle se souvenait. Elle aussi avait eu un enfant, un fils, presque de l'âge de Georges. Toho-ti, s'appelait-il, et par gentillesse, Ho-ti. Elle l'aimait, comme savent aimer les mères, femmes ou bêtes. Or, voici qu'un jour l'imprudent, qui sans cesse dévalait à travers les forêts et les montagnes, gravissait avec une agilité merveilleuse les pics les plus dangereux, franchissait les précipices profonds, défiait les fauves et combattait même les serpents venimeux. Ho-ti s'était égaré. Il avait couru, bondi pendant des jours et des jours et des nuits. Et après cette course folle, il était tombé au milieu d'un groupe de prospecteurs, d'aventuriers en quête d'or. Un de ces hommes l'avait ajusté au bout de son fusil, et le petit était tombé comme une masse. Toho, fou de douleur et d'inquiétude, l'avait longtemps cherché, et au jour, il avait retrouvé ses restes qu'il avait reconnus, et près de là, des traces certaines du séjour de l'homme. L'homme, cet être pour lui aussi mystérieux qu'il l'était lui-même pour eux. Toho avait voulu connaître de plus près les assassins de son fils, et s'était risqué jusqu'aux huttes, jusqu'aux hameaux, jusqu'aux villes. Ainsi, il était arrivé au pays d'Aché, aux portes même de Rotaraji, et c'était là qu'il avait été pris, livré au sultan Mahmoud, frappé, torturé. Mais surtout, il avait vu. Il avait contemplé, avec toute son attention d'ignorant, cette race d'êtres qui leur semblait et qui cependant était si différent de lui. En leur fureur barbare, en leur raffinement de cruauté. Certes, alors que le souverain d'Aché le fustigeait ou lacérait sa chair, il ne comprenait rien à ce besoin de faire le mal. Non plus il n'entendait rien à cette lutte sauvage entre gens de même race, qui seulement différait par la couleur. Ces êtres, qui lui semblaient plus fins, plus délicats, plus élevés que lui, en même temps s'évoquaient devant lui comme des démons de cauchemar. Certains détails le frappaient. Dans le mausolée des sultans d'Aché, tout ruisselait d'or et de pierreries, et Toho se souvenait des enseignements de Van Gogh. L'or, c'était l'ennemi. C'était pour le conquérir que les hommes, ces gens s'appelaient des hommes, cherchaient à pénétrer dans la montagne, à violer le dernier refuge des Apes. C'était le nom que Van Gogh lui avait donné, Apes, signifiant singe en hollandais. C'étaient des chercheurs d'or qui avaient tué son fils. Alors pour la première fois, Toho avait compris pourquoi Van Gogh s'est évadé de l'humanité qui depuis des années et des années vivait au milieu d'eux, dans cette nature splendide et généreuse, leur avait signalé l'or comme l'ennemi, celui contre lequel il fallait lutter, qu'il fallait détruire à tout prix. Dès qu'un filon était découvert, le salut des Apes voulait qu'il fût immédiatement anéanti, et Van Gogh, le grand chimiste, qui à l'âge de 20 ans avait pris en dédain l'ignorance méchante de ses compatriotes, et disparaissant, réputé mort, Leven l'avait dit à Rotterdam, était venu s'installer et vivre au milieu de ces primitifs, s'était fait leur éducateur et leur défenseur. Et la grande science de Lapland, du pays des Apes, c'était la tuerie de l'or. Van Gogh, refaisant à l'inverse l'œuvre des anciens alchimistes qui cherchaient la pierre philosophale, c'est-à-dire le moyen de faire de l'or, avait trouvé, lui, le moyen d'anéantir, de tuer l'or. Il avait appris ses procédés à Toho, et nous les verrons à l'épreuve. Mais de cette incursion chez les hommes, qu'il avait maltraité, enchaîné, déchiré, Toho avait conquis cette notion que Van Gogh disait la vérité, que les hommes ne vivaient, ne respiraient, ne se querellaient, ne se tuaient les uns les autres que pour l'or. Ce sultan, qui lui lacérait les membres à coups de lame, tenait son outil de torture par un manche d'or. Il avait au front un diadème d'or, au cou des colliers d'or, au flanc une ceinture d'or. Les murs de la mosquée étaient lamés d'or, l'or ruisselait sur les étoffes, sur les balustres, sur les grilles, sur les planches. Les chefs qui obéissaient au sultan portaient des casques d'or. Les sabres qui servaient à leur meurtre étaient incrustés d'or. L'or partout, l'or toujours, et avec lui, autour de lui, par lui, le sang, la souffrance, la mort. Toho, alors que de sa cage de fer il regardait l'épouvantable cohue de ses officiers, de ses soldats, de ses bourreaux, pensait à ces adorables solitudes de là-haut, à son soleil, à ses arbres, à ses fleurs, et une horreur s'incrustait en lui de la race d'or, qui s'appelait la race humaine. En la tempête finale de la lutte entre les Atchés et les Hollandais, Toho avait vu comme l'explosion du mal de l'or, et sa haine pour les hommes et son dégoût du vil métal s'en étaient augmentés. Jusqu'à Igli Otu, qui voulait tuer le petit Georges, un enfant, de même âge à peu près que celui de Toho, et qui portait des bracelets d'or aux poignets et aux chevilles. Pourquoi Toho avait-il sauvé l'enfant de cette race maudite? Par instinct. Parce que l'être était faible et au pouvoir d'un plus fort. Parce qu'un sentiment obscur lui disait que Wa, la mère désolée, serait heureuse, peut-être, de retrouver l'illusion de la maternité. Et il avait bien deviné, puisque maintenant Wa tendait ses bras à Georges. Oh, comme elle l'avait soigné, comme elle avait obéi au vieux coq, ne dormant pas, consacrant ses jours et ses nuits à ce petit être, qu'elle appelait tout bas du nom de son cher petit perdu, Haoti. Mais lui, Georges, ne se livrait pas encore. Sa vanité d'être humain se cabrait contre cette affection simiesque. Il se rappelait sa mère, si charmante en sa blondeur douce, si délicate, si gracieuse. Il regardait les pattes énormes de Wa, et malgré lui, les comparait aux petites mains qui naguère le caressaient. « Embrasse-la donc, mon petit, » lui dit Van Cock. « Tu ne vois donc pas qu'elle en meurt d'envie ?» Georges hésita encore. Puis, comme un souverain qui condescend à élever une de ses sujets jusqu'à lui, il tendit son front à Wa, qui, sanglotante, éperdue, heureuse, l'enveloppa de ses bras et l'emporta contre sa poitrine en répétant « Ete, ete !» Habile, elle lui promettait à manger, sachant qu'il devait avoir grand faim.